Vatica à Bruxelles. Chez Sexy Pop à Kinshasa, Matata, Zouka. Chez Gary à Pointe-à-Pitre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Sunche, Sunche, Sunche, Sexy Pop. Sous-titrage Société Radio-Canada.